Le petit incendiaire. On a vu un enfant sur le banc des accusés. Je crois que c'était en France, tout près de nous. Il se ressouvenait d'un feu d'artifice dont les soleils et les fusées au fond de la nuit sombre avaient laissé une vive impression dans sa mémoire. Ce spectacle le poursuivait surtout quand le jour tombait. Il eût donné tout au monde pour revoir une fois encore éclater ces ardentes lumières qui avaient enflammé l'air et son imagination de 5 ans. Mais il n'avait rien du tout pour acheter un feu d'artifice, et il rêvait sur le bord de la chaumière. Les yeux fixes et la tête penchée, il cherchait un moyen d'assister encore à cette fête du soir, qui l'avait rempli d'émotion et d'étonnement. Une simple idée, mais fatale, traversa son petit cerveau, comme une lueur traverse l'obscurité. Demeurer seul pour garder la maison dont son père et sa mère s'étaient forcément éloignés un moment, il saisit une lampe qui pendait sous l'âtre et porta lui-même sa flamme dans tout ce qu'elle pouvait dévorer. La grange recélait de la paille, du foin sec. Le feu se répandit avec une telle rapidité qu'il s'élança comme des langues dévorantes vers le ciel, consumant la grange et la chaumière sans qu'il en restât rien, que les cendres noires et tristes comme l'action terrible de ce jeune insensé. Il venait de réduire à la mendicité son père, sa pauvre mère et lui, nuisible à tous par cette action stupide, dont il regardait l'effet terrible avec une admiration profonde et muette. Ah, que ce fut une grande douleur quand la mère, au milieu des flammes, qui sortaient furieuses de la chaumière, s'élança en appelant son vieux père, l'image de Dieu sur la terre, qui porte bonheur à la maison des enfants. Ce bon vieillard paralytique n'avait pas poussé un cri. La fumée, sans doute, l'avait étouffé dans son lit. On le trouva consumé, victime du caprice monstrueux de son petit-fils, qu'il aimait, qu'il avait béni avant de s'endormir. Ah oui, cela fut, cela est encore une grande douleur, et l'on ne comprend point comment la mère infortunée ne mourut pas, quand l'enfant épouvanté des cris et des sanglots de tout ce monde épouvanté se mit à crier lui-même « j'ai fait le feu, horreur et pitié !» Jugé quand il passa le lendemain au travers du village, lié avec des cordes au milieu d'hommes armés, comme pour garder un grand criminel, et que tout le monde criait après lui « à l'incendiaire, à l'incendiaire !» Sa mère, pâle et ruinée, qui le suivait à pied, ne pouvant se résoudre à l'abandonner, joignait les mains comme pour demander à toutes ses voix du silence par pitié pour elle, la mère, la pauvre femme sans chaumière, sans vieux père à servir tous les jours, sans jeune enfant plein d'innocence comme était hier ce coupable garrotté. Voilà comme il parut, suivi d'un peuple immense au tribunal, qui n'avait jamais vu un si jeune coupable, et qui resta longtemps dans un triste silence, quand l'enfant interrogé répondit, tout épuisé de larmes, « Je voulais revoir un feu d'artifice. » On le condamna à vivre 365 jours dans une obscurité profonde, où sa mère seule l'éclaire et le console. « Priez pour lui. »